Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Vincent de Dienne, comédien. Vincent, bonjour. Si vous étiez une ride, laquelle seriez-vous ? Si j'étais une ride, je serais les deux de chaque côté de la bouche qui mettent le sourire entre parenthèses. Avez-vous déjà eu envie de faire peau neuve ? Non, j'ai déjà eu envie de faire peau d'âne, mais c'était pris. Mais peau neuve, oui, bah tous les matins, oui. La dernière fois que vous avez menti sur votre âge ? Bah, dans mon spectacle, je mentais sur mon âge. J'avais une petite coquetterie, je me rajeunissais d'un an. Je me suis dit, je commence maintenant à me rajeunir d'un an. Mais bon, Wikipédia me démentait. Merci Vincent. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. Tu raillerais, toi, 100 000 hommes d'un trait de plume. Fais pas la révolution avec des fleurs si tu dois y rester. Eh ben, tant pis. Tu vois, Hugo, que tu n'aimes pas les hommes. Tu n'aimes que les principes. Les hommes, pourquoi les aimerais-je ? Si on n'aime pas les hommes, on ne peut pas lutter pour eux. Les hommes, c'est pas ce qu'ils sont qui m'intéresse, c'est ce qu'ils pourront devenir. Mais moi, je les aime pour ce qu'ils sont, pour toute leur saloperie et tous leurs vices. Ça compte pour moi, un homme de plus ou de moins dans le monde. C'est précieux. Toi, je te connais bien, mon dé. Tu es un destructeur. Tu veux pas changer le monde, tu veux le faire sauter. Faut-il des hommes pour changer le monde ou des idées pour le faire sauter ? À quel moment la violence est-elle légitime ou ne l'est-elle jamais ? Que choisir entre la merde des compromis quotidiens et le sang de ses semblables ? Est-on condamné à avoir les mains sales en politique ? C'est la question posée par la pièce de théâtre du même nom, créée en 1948 par Jean-Paul Sartre. Il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment. Il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. L'écrivain ne peut pas, en tant qu'il est écrivain et qu'il exige la liberté, ne peut pas fournir d'idéologie à la classe dirigeante ou à n'importe qui, si ce n'est pas une idéologie qui exige la libération des gens qui demeurent encore opprimés. Et d'un autre côté, il ne peut pas s'adresser à ceux dont précisément il souhaite la libération, à moins qu'il n'entre dans un parti et qu'il n'agisse à titre de membre du parti en devenant propagandiste, en acceptant que son art devienne de la propagande, donc en réclamant la mort de la littérature et en cessant d'être écrivain. Bonjour Nathalie Monin. Bonjour. Vous êtes l'autrice de Sartre, une monographie parue aux éditions Les Belles Lettres, collection Figures du Savoir, c'était en 2008. Vous êtes aussi directrice de la collection Atelier Populaire de Philosophie aux éditions Apogée. On vient d'entendre la voix assez reconnaissable de Jean-Paul Sartre. C'était une conférence en 1946 sur l'écrivain. Partagez-vous ce point de vue de Sartre sur la littérature, à savoir qu'elle n'est jamais innocente, et en particulier pour cette pièce dont on va parler dans l'heure qui vient, Les mains sales. Alors merci pour votre invitation. Si je partage, donc là vous me posez la question à brûle pour moi. Et oui, je vous avais dit, je ne vous préviendrai pas pour cette première question. Oui, on écrit pour être lu, donc effectivement c'est toujours un engagement. Je pense qu'on défend des idées, qu'on écrit avec son cœur, avec ses tripes. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, j'ai suffisamment lu et côtoyé l'œuvre de Sartre pour me sentir un peu de cet avis-là. Alors après, ça peut poser d'autres questions. Est-ce que le poète s'émerveille de la nature, qui traduit la nature, et dans quel sens est-il engagé aujourd'hui? Voilà, on pourrait dire que il n'y a pas d'écriture naïve, dans le sens où même l'émerveillement devant la nature montre sa beauté dans un monde où on risque, voilà, où il y a des risques écologiques que court la planète. Donc oui, j'aurais tendance à partager son point de vue, avec cette retenue quand même que justement, j'aime bien la liberté, j'aime bien laisser le choix aux autres, et je n'irai pas imposer pour dire, comme il le disait de Flaubert, quand Flaubert écrit Madame Bovary, il ne s'engage pas parce qu'il n'a jamais rien dit sur la révolte de 1848, et donc il a ce jugement qui condamne Flaubert, qui condamne des écrivains. Bon, moi j'ai plus de mal à condamner, ce qui est étonnant, hein, parce qu'il a Sartre, on le verra dans les mains sales, a un immense respect de la liberté des autres et de la position des autres. Et voilà, j'avoue que c'est quelque chose qui m'est cher aussi, de respecter la parole de l'autre, à condition qu'elle soit pas contre la vie justement, mais on en parlera dans les mains sales. Donc voilà, donc il a pu avoir ces tensions, il a pu traverser ces tensions aussi, à la fois condamner Flaubert ou condamner des écrivains qui pensent une littérature, c'est l'art, l'art pour l'art, l'art gratuit, et effectivement il développe dans Qu'est-ce que la littérature, l'idée d'un intellectuel engagé, et donc toute écriture est engagée. Et puis en même temps, ben, cette reconnaissance d'une liberté, ce qu'on verra d'ailleurs dans la pièce, c'est la position d'Odoreur, hein, ce qu'on a entendu dans l'extrait juste avant. Alors justement, pour le coup, Les mains sales, c'est une pièce de théâtre de 1948. Très clairement, c'est une pièce engagée. Il y a un lien clair avec le terrorisme, c'est pour ça qu'on en parle cette semaine sur le terrorisme. Alors, présentez-nous peut-être la pièce, Nathalie Monin, et puis aussi quel est son lien avec le terrorisme. Alors, la pièce fait état du dilemme moral, ou du dilemme existentiel, hein, qui traverse Hugo, le personnage central. Enfin, il y a deux personnages centraux, j'ai envie de dire même trois. Jessica, la femme de Hugo. Hugo, le jeune bourgeois qui se fait communiste et qui est missionné, qui a demandé cette mission pour s'engager jusqu'au bout d'aller tuer et assassiner Oederer, qui est donc l'autre personnage central, et qui représente, je pense, la position de Sartre, qui représente... Oederer représente la position de Sartre. Ah oui. Je pense que c'est l'idéal de Sartre en politique. Enfin, l'idéal, c'est l'image, en tout cas, que Sartre se fait de ce qu'est un homme politique avisé. Et puis qui aime la vie, hein, parce que c'est vraiment l'extrait que vous avez choisi était éminemment bien choisi. Oui, la toute première pastille au début. Ouais. Voilà, parce que on voit bien l'opposition entre l'idéaliste et le puriste, celui qui est l'homme de principe, très sérieux, hein, ce que Sartre appelle l'esprit de sérieux, très sérieux. Donc on a des principes, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. On m'a missionné, je dois le faire pour prouver. Alors bon, on reviendra là-dessus. Et puis de l'autre côté, j'ai envie de dire la réelle politique. Donc, voilà, la position qu'on va prendre, la décision pragmatique. Est pragmatique. Ça dépend des circonstances. Et si les circonstances changent, eh bien, on change aussi de position. En quoi y a-t-il un lien avec le terrorisme ? D'un côté, c'est Hugo qui représente un petit peu ce terrorisme à la fois de l'acte, c'est-à-dire qu'il est missionné pour tuer Oederer, qui est accusé de trahir le parti. Ou est-ce que c'est le terrorisme des idées et de la pureté militante ? Ben, ce sont les deux. C'est vraiment le caractère merveilleux de cette pièce, et riche, sa richesse, parce qu'il y a à la fois, alors il ne parle pas de terrorisme, mais d'assassinat politique. Donc Hugo va faire un assassinat politique, missionné par les mêmes membres du parti que Oederer. Tout ça, c'est à l'intérieur d'un parti, un parti fictif, mais bon, ça pourrait être n'importe quel parti, hein. C'est pas forcément le parti communiste français. Même si, bon, il y a quand même l'idée de parti avec un P majuscule, et que d'un côté, il y a les néolibéraux et de l'autre, les fascistes. Donc, bon. Bon, je crois qu'on reconnaît clairement le personnage stalinien. Ouais. Très dur sur sa ligne, et justement, qui veut faire régner les idées au détriment des vies humaines. Mmh. Et donc, rappelez-moi la question, le rapport avec le terrorisme. Le terrorisme, voilà. Est-il dans la pureté militante ou est-il dans l'acte de tuer un traître ? Alors, il y a les deux, ça s'entrecroise, parce que précisément, Hugo subit son propre terrorisme, j'ai envie de dire, ou le terrorisme du parti, qui exige une fidélité sans faille de ses membres et qui fait régner cette sorte de terreur affective, de terreur psychologique, qui fige les individus dans le serment, on y reviendra après. Hein, c'est tout ce que Sartre développe à la fin, enfin, dans la critique de la raison dialectique. Donc, il y a un livre de 1960, moins connu que L'être et le néant, mais qui s'inscrit à la suite quand beaucoup même. Beaucoup moins, voilà, mais qui est déjà en préparation. Parce que dans les années 47-48, Sartre donc est en train, c'est au sortir de la guerre, il est très connu, il est en train de réfléchir, de découvrir Marx, enfin de découvrir, de retravailler profondément Marx. Il écrit Les cahiers pour une morale, enfin ce qui deviendra, hein, les notes seront publiées après en 85 je crois par Arlette Elkaïm, les notes qui deviendront Cahiers pour une morale. Et il a déjà donc en 43 écrit L'être et le néant, dans lequel il a développé cette théorie qu'on peut dire idéaliste, mais de la liberté, hein, de la liberté nous reconduit à nous-mêmes et nous ne cherchons qu'à la fuir, avec cette idée d'authenticité. Être authentique, c'est se connaître soi-même par soi, si j'ai envie de dire, s'assumer et non pas vivre par les autres et ou pour subir le regard des autres et être dans l'image des autres. C'est tout le dilemme de Hugo. En fait, Hugo cherche qui il est. Et on voit bien que c'est un jeune homme. Sartre, il écrit un chapitre dans Un théâtre de situation qui parle des mains sales et qui un membre italien qui est interrogé. Et il dit qu'il pensait à ces jeunes étudiants, ces jeunes intellectuels qui viennent d'un milieu bourgeois, mais qui reconnaissent la légitimité de l'idée du parti communiste, du communisme, l'idée de Marx, de cette communauté. Du communisme et qui sont dans des dilemmes terribles, on le verra parce que Hugo est, en partie n'a pas la confiance des gens de son parti parce qu'il vient d'un milieu bourgeois. Donc il y a, vous voyez, à l'intérieur du parti, il y a cette sorte de terreur j'ai envie de dire psychologique et intellectuelle, hein, et idéologique aussi. D'où viens-tu? As-tu le droit? Qui a le droit, finalement, de commettre la violence, de décider, de choisir, de s'engager? Et puis, ben, y a la violence que le parti veut exercer sur ceux qui ne sont pas de leur idée. Et en l'occurrence, là, il y a un membre dissident, Eudereur, et donc, qui sans doute, d'ailleurs, Eudereur se doute qu'il fait pas l'accord de son parti, et donc on va exercer une terreur violente, un assassinat sur Eudereur. Je t'ai gardé une place en face de moi, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je te suis. Tu descendras à la prochaine station. C'est grave. Qui c'est, Eudereur? Un chef du parti. Pourquoi tu as mis un revolver? Chut! Toi! Tu es folle! Qu'est-ce que c'est que ce revolver? Je l'ai toujours un sur moi. Ce n'est pas vrai. Réponds-moi sérieusement. Tu n'en parleras à personne? À personne au monde? Eudereur. Pourquoi veux-tu le tuer? Tu ne le connais pas. Que ma femme me prenne au sérieux. Est-ce que tu me prends au sérieux? Moi? Je t'admirerai. Et quand nous aurons été dénoncés par les... Quand nous aurons été dénoncés par les voisins, je me jetterai contre toi, malgré les gendarmes, en te criant « Je t'aime ». Dis-le maintenant. Quoi? Que tu m'aimes. Je t'aime? Non, mais dis-le pour de vrai. Je t'aime. Mais c'est pas pour de vrai, ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, tu vas au diable. Comment dis-tu, toi? Je t'aime. Tu vois, tu dis pas mieux. Jessica, tu ne crois pas ce que je t'ai dit dans le chemin de fer? Que tu m'aimais? Que j'allais te tuer, Dre. Naturellement, je te crois. C'est le parti qui m'envoie le type Corias, tu sais. Eh bien, nous chloroformerons et nous l'attacherons à la gueule d'un café. Jessica, je suis sérieuse. Moi aussi? Non, tu joues à être sérieux. Non, c'est toi. Faut me croire, tu sais. Je te croirais si tu crois que je suis sérieuse. Bon, ben, je te crois. Non, tu joues à me croire. Oh, nous n'en sortirons pas. On vient d'entendre un extrait des Mains Sales. Alors, ce n'est pas la pièce, c'est l'adaptation cinématographique de la pièce réalisée par Fernand Rivers et Simone Berriot. Alors, dialogue et scénario validé par Jean-Paul Sartre, hein, qui était aux manettes en 1951 avec Jacques-Laurent Bost et Fernand Rivers. Plus précisément, Nathalie Monin, on a entendu un extrait du troisième tableau, parce que chez Sartre, dans les Mains Sales, il ne s'agit pas d'actes, mais de tableaux. C'est la première scène. On a entendu deux des personnages principaux, donc Hugo, que vous nous avez présenté, Nathalie Monin, ce jeune bourgeois qui veut sortir de sa condition et s'engager politiquement, donc ce qui ressemblerait du communisme, et Jessica, sa femme, et l'intrigue est tout de suite posée. Hugo doit tuer Eudereur. Puis il y a tout un jeu aussi, il y a la question de tuer, puis il y a la question d'aimer. Dans les deux cas, il s'agit quand même d'accomplir un programme. Alors, il y a le jeu. C'est ça qui est frappant. Je ne connaissais pas le film, mais c'est très... Il est très bien. C'est une très bonne manière de découvrir, ouais, la pièce. Oui, oui, oui. Et alors, dans la construction des Mains Sales, j'en reviendrai après sur Jessica, le personnage de Jessica. Il y a 7 tableaux. Et il y a une construction qui je trouve est très cinématographique, puisque le premier tableau et le 7e tableau sont sur, donc le début et la fin sont sur le même temps, la même temporalité. Et puis puis les tableaux intermédiaires du deuxième au sixième sont le flashback en quelque sorte. Donc on est effectivement dans le troisième tableau, on est rentré dans le flashback, donc qu'est-ce qui s'est passé et on va... voilà. Donc c'est avant d'arriver, je crois qu'ils sont déjà, dans la pièce de théâtre, Ils sont déjà sur place dans la maison d'Odereur et dans le film, ils sont en route. Voilà, c'est pour la petite différence. Voilà. Et donc, dans la pièce, en fait, il va y avoir la fouille. C'est pas tout à fait, il y aura peut-être plus tard. On va l'entendre après, les deux. D'accord. Et donc là, ce qui est frappant, c'est vraiment toutes les perspectives de l'être et le néant se mêlent et se déclinent dans cette pièce. C'est le jeu, le jeu de l'amour ici, mais le jeu de jouer un personnage, la recherche d'authenticité, la recherche de sérieux. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu as confiance? Et l'autre, mais pourquoi je te croirais pas? Alors Jessica est très naïve. C'est un personnage très intéressant, Jessica, dans cette pièce, parce que on a l'impression qu'elle est là un petit peu pour faire de la figuration, et puis on va l'entendre fur et à mesure de la pièce, et finalement elle va avoir un rôle beaucoup plus décisif. Et dans cet extrait, on entend bien d'ailleurs Hugo lui dit dis-moi que tu m'aimes pour de vrai. Il y a vraiment c'est pour le pour de vrai est très intéressant, et on voit bien que Jessica révèle en fait tout le manque d'authenticité d'Hugo dans son projet. C'est là où on retrouve la dimension existentielle, la philosophie de Sartre aussi sur le fait de ne pas être de ne pas vivre pour soi, mais donc de se réifier aux yeux des autres. Donc il y a vraiment, elle va révéler, Jessica, ce manque d'authenticité et cette idée que Hugo doit seulement se réaliser à travers des idées préconçues. Elle est le mouvement. Elle cherche en tout cas à mettre Hugo en mouvement, à faire mouvoir la pensée d'un point à un autre, à ce qu'il s'excentre. Et elle y arrive partiellement. Et effectivement, elle a l'air d'une femme frivole, très superficielle, très légère, sans aucune consistance, en tout cas idéologique, sans croyance, vrai. Alors que Hugo, et c'est celui qui a vraiment une croyance, et elle pose les bonnes questions. Finalement, c'est elle qui, d'abord, qui va être le dénouement, ce par qui le dénouement va arriver. Et puis, elle oblige Hugo à s'approfondir, à justifier. Et puis effectivement à aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique. Donc c'est vraiment un personnage fondamental. C'est une femme. Enfin, c'est touchant que ce soit sa femme. Il aurait pu mettre un ami, il aurait pu mettre etc. Non, c'est la femme qui joue ce rôle. Donc il joue sur les deux tableaux. On est dans les années 48. Simone de Beauvoir est en train d'écrire le deuxième siècle, ce qui paraîtra en 49. Et à ce moment-là, elle va tous les jours à la bibliothèque travailler. Elle en parle donc tous les soirs. On peut penser que il parle de la condition. Simone de Beauvoir découvre la condition féminine. Sartre en avait une idée. C'est lui qui lui souffle l'idée qu'elle devrait travailler sur la condition féminine parce que ça pose problème. Beauvoir est pas tellement convaincu. Donc c'est intéressant de voir le personnage de Jessica et comment ce personnage évolue. Et finalement, cette femme apparemment frivole, elle pose des véritables questions philosophiques et c'est elle qui pose la question. Mais comment tu sais que c'est vrai? Les critères de est-ce que tu m'aimes? Est-ce que pour de vrai? Etc. Voilà. Et qui pose aussi la question là qui va quand même le pousser à dévoiler ce projet de tuer Odereur et de le mettre face à l'acte. C'est-à-dire que Hugo est un personnage d'image, de fantasme, de programme, donc il veut se réaliser à travers des images qu'il s'est construites. C'est vraiment... Je dirais de la volonté rationnelle. Il a ses principes, il a sa trajectoire, et il essaye d'avoir une trajectoire pure, droite, selon des principes. Et donc, c'est ça qui représente l'idéalisme et la pureté militante que Sartre va condamner à travers cette pièce. Oui, l'esprit de sérieux. Et alors, avec les contradictions internes qu'il porte, c'est-à-dire il vient d'un milieu bourgeois, il veut être aux côtés des malheureux, aux côtés défendre des idées, de belles idées. C'est la belle âme. C'est la belle âme et qui veut aller jusqu'au bout dans une recherche qu'il voudrait purement rationnelle et qui en fait est entachée de toutes ces contradictions à lui. Et c'est ça qu'elle révèle. C'est intéressant de faire le parallèle avec Dora dans la pièce Les Justes de Camus, qui est parue un an après en 49. Voilà, en réponse d'ailleurs au Mainsal, qui pose d'ailleurs exactement la même question à quel condition un acte violent est-il légitime ? Exactement. Je me demande, en relisant Les Mains Sales et en relisant aussi Les Justes, je me demandais si les terroristes, hein, moi je les appelle des terroristes, j'ai pas de, sont pas des résistants, sont des terroristes islamistes, s'ils avaient les mêmes dilemmes moraux avant d'aller tuer. Parce que là, dans les deux pièces, vraiment, on entre au cœur de ce qui se passe avant de tuer. Alors, ce ne sont pas poser des bombes sur des innocents, c'est la différence, ce sont vraiment des assassinats politiques. Et Hugo et Kaliaev, hein, dans Les Justes, alors là, on va poser une bombe sur le Grand-Duc, c'est un assassinat qui a réellement eu lieu. Camus s'inspire d'un événement en 1905 en Russie qui a vraiment eu lieu. Et Sartre, lui, est dans la fiction. Mais dans les deux cas, c'est un assassinat politique d'un membre, d'une personne en particulier. Il ne s'agit pas d'aller revendiquer une idée contre un régime, contre une démocratie, en tuant des innocents. Là, on s'adresse vraiment au... C'est pour ça que c'est un assassinat politique. Mais dans les deux cas, la femme joue... le même rôle, d'essayer de humaniser. T'es sûr que tu vas le faire. Tu vas pas avoir peur. Hein, c'est Dora dans Les Justes. Tu vas pas avoir peur parce que tu sais, quand on croise le regard, quand on voit, etc. Bon. Puis dans Les Justes, Kaliaev sera arrêté parce qu'il y a les enfants. Et donc là, il peut pas. Donc il y a une humanisation avant le meurtre. Je me demande si c'est le cas et si on va voir. Ce qui se passe dans la tête des terroristes avant de passer à l'acte. Et voilà. Là, on y est avec Est-ce qu'ils y pensent ? Et vraiment, dans ces deux pièces, et dans Les Mains Sales, il s'agit de décortiquer, de mettre à nu toutes les contradictions qu'on peut traverser, le dilemme moral qu'un individu traverse avant d'aller commettre ce geste. Ça met l'accent sur le fait, bah oui, comme ça, tu lis les belles idées, te dis tu vas tuer, ok, je vais tuer parce que je veux prouver ceci, cela. Mais quand tu y es, juste en face de la personne en chair et en os, tu lui as parlé, ce sera toute la difficulté de Hugo, parce qu'en fait il va aimer Öderer, il va être très admiratif devant la virtuosité intellectuelle de Öderer. Et ben là, à ce moment-là, vas-y, tu vas encore, tu es capable de tirer. Bah oui, bah non, c'est moins facile. C'est beaucoup moins facile. On va écouter la suite de la pièce, Nathalie Monnant. Ce sera un extrait du troisième tableau encore, mais la scène 2 et scène 3, vous l'avez tout petit peu évoqué. C'est le moment où Hugo et Jessica arrivent dans la maison de Öderer et se font fouiller par ses gardes du corps pour justement vérifier s'ils ne sont pas là pour de mauvaises raisons. On s'en va tout de suite. Le temps d'une petite formalité. Quelle formalité ? Fouiller vos bagages. Non. Non ? Oh, ça, vous ne fouillerez rien du tout. Ne fatigue pas, petite bête, on a des ordres. Des ordres de qui ? De Öderer. Personne n'entre ici sans qu'on le fouille. C'est la règle, voilà tout. Eh ben moi, vous ne me fouillerez pas, ça sera l'exception, voilà tout. T'es pas du parti ? Si. Quand on donne une consigne, tu sais pas qu'il faut la respecter ? Je respecte les consignes, seulement je me respecte aussi moi-même. Oh, Georges, tu l'entends ? Dis, tu te respectes, toi ? T'as pas le droit de te respecter si t'es pas au moins secrétaire. Et pauvres idiots, si je suis entre parties, c'est justement pour que tous les hommes, secrétaires ou non, en aient un jour le droit. Ben nous, mon petit pote, si on est entré, c'est qu'on en avait marre de crever de faim. Bon, Georges, assez de salade. Ouvrons ça pour commencer. Tu ne les toucheras pas. Non, mon petit pote. Et comment que tu feras pour m'en empêcher ? Ça, je ne serai pas de lutter contre un rouleau compresseur. Seulement, si tu poses ta patte là-dessus, nous partirons ce soir et Öderer pourra chercher un autre secrétaire. Oh, dis donc, tu m'intimides, mais un secrétaire comme toi, j'en fais un tous les matins. Ben fouille si tu n'as pas peur. Fouille ! Suic ! Hein ? Tu trouves pas que monsieur a une gueule d'aristocrate ? Sika. Quoi ? Tu ne trouves pas que ces messieurs ont des gueules de cogne ? Fais gaffe, mon petit gars, parce que si on est des cognes, on pourrait se mettre à cogner. Non ! Débine-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il veut pas qu'on le fouille. Je leur ai vraiment donné l'ordre de me fouiller. On fait son boulot, il nous en empêche. Je comprends que si vous leur permettez de me fouiller, je m'en vais. Si nous en empêche, c'est nous qu'on s'en va. Vous vous taire. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Il est trop bien habillé. Il parle comme un livre. Une question de peau. On les peau, on les laisse au vestiaire. Quatre hommes qui vivent ensemble, ça s'aime ou ça se massacre. Faut le plaisir de vous aimer. Les sentiments, ça se commande pas. Si, ça se commande quand on est en service entre gars du même parti. On est peut-être du même parti, mais on n'y est pas entré pour les mêmes raisons. On y entre toujours pour les mêmes raisons. Tu permets, lui, c'était pour apprendre aux pauvres gens le respect qu'ils se doivent. Et vous n'y êtes entré que pour bouffer à votre faim. Alors ça, vous êtes d'accord. Pardon ? Plastique. Tu ne m'as pas raconté que tu avais honte d'avoir faim ? Qu'un gars de 20 ans avait mieux à faire que de s'occuper tout le temps de son estomac. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que tu voulais la bouffe. Avec un tout petit quelque chose en plus. Il a tout petit quelque chose. Il appelle ça le respect de soi-même. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Aujourd'hui, nous parlons de la pièce de Sartre, Les Mains Sales, dont c'est toujours l'adaptation cinématographique de la pièce par Fernand Rivers et Simone Berriot. Et on a entendu dans cet extrait, donc extrait troisième tableau, scène 2 et 3, l'apparition de Öderer, donc ce fameux personnage, un des personnages principaux de la pièce, qui doit se faire tuer par Hugo, mais qui finalement, en fait, pas au courant de ce projet, de ce complot contre lui, en vient quand même à se présenter comme l'homme de la conciliation. Ce personnage qu'on présente depuis le début de la pièce comme le méchant, le traître qu'on doit tuer, est finalement l'homme de la conciliation, celui qui n'interroge pas les gens sur leur raison d'avoir adhéré ou pas à un parti, celui qui n'interroge pas les gens sur leur provenance politique, matérielle, sociale. Et en cela, il apparaît vraiment comme l'homme de la liberté. Oui, et la générosité. J'ai relu un petit peu des quelques passages du cahier pour une morale, et il y a un moment donné où il essaye de faire un plan de ce qui, s'il arrivait à écrire une morale, hein, bon, il l'écrira autrement finalement, et vraiment à la fin, la valeur fondamentale vers laquelle on doit tendre, c'est la générosité. J'ai envie de dire presque au sens de Descartes, hein, c'était le dernier article des traités sur les passions de Descartes, et je trouve que chez Öderer, il y a cette liberté parce qu'il y a cette générosité. Alors il va faire confiance, il fait confiance, c'est la conciliation, il a une compréhension profonde et généreuse des intentions des uns et des autres. Et il comprend, évidemment, c'est tout aussi hein, le caractère vraiment brillant de Sartre, de montrer que ben le malheureux, le pauvre, enfin le prolétaire, on va dire, a des pensées de prolétaire, et donc c'est son estomac. Et Öderer a cette générosité de dire, bah oui, le petit quelque chose qui fait qu'à 20 ans, on ne doit pas passer son temps à s'occuper de son estomac, ben justement, lui, il l'appelle le respect de soi, parce que lui vient d'un milieu intellectuel, bon, donc bourgeois, et pour lui, ça s'appelle le respect de soi. Donc vous voyez, il est en train de concilier dans un même parti les deux côtés qui pourraient s'affronter, et comme il est en train, au niveau national, on pourrait dire, d'essayer de réconcilier pour sauver des vies. Et il y a vraiment l'opposition, là, entre Öderer et son amour de la vie, son amour des hommes, qui est du côté du vivant, du côté de la vie. Et puis, on le verra peut-être plus loin, Hugo, qui quand même est du côté de la mort, enfin en tout cas du caractère figé des idées. Hein, il est figé lui-même dans ses idées, et ce qui est figé, c'est quand même la mort, hein, c'est le contraire de la vie. Alors, on pourra revenir sur cette opposition un petit peu, parce qu'il y a d'autres scènes, notamment une scène d'affrontement entre Hugo et Öderer. Vraiment, on voit vraiment leur opposition. Une opposition qui peut être un petit peu manichéenne, mais dans cet extrait-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois pôles, à savoir, donc, les gardes du corps, hein, vraiment, on est du côté des prolétaires. Mmh. Hugo, celui qui s'est engagé, le bourgeois, et Öderer qui va essayer de les concilier. Mais dans tous les cas, enfin, notamment dans le cas, en fait, des prolétaires et du bourgeois, on a quand même cet engagement où la question se pose de pourquoi on s'engage finalement. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage ? Est-ce que c'est une manière d'appartenir à une famille ? Est-ce que c'est une manière d'apparaître aux yeux des autres ? Est-ce que c'est une manière de se redonner confiance ? Est-ce que c'est par choix ? Est-ce que c'est par conviction ? Par liberté ? Finalement, il y a quand même cette ambiguïté qui est que sur qu'est-ce que serait qu'un bon engagement ? Est-ce qu'il y aurait un bon engagement ou pas ? Alors là, c'est la pureté des intentions. C'est vraiment... on serait dans une morale ancienne, vous voyez, ce serait très important de dégager, l'acte, ce qui compte, c'est l'intention qui est bonne, qui est profondément bonne, etc. Je crois que là encore, dans la morale de Sartre, et il le montrera après dans Morale et Histoire, la conférence qu'il n'a pas faite, la conférence Cornell, finalement, s'interroger sur les intentions, c'est ce que disait aussi Kant, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qui fait le mouvement de l'histoire ? Est-ce que ce sont les petites passions ? C'est ce que disait Hegel. Au fond, est-ce que ça compte ? Donc cette question, elle existe. Et Sartre la met en scène, puisqu'elle existe, et de fait, chacun s'interroge sur la pureté de ses intentions. Mais j'ai envie de dire que ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Ce sont les actes, parce que le cœur est insondable. J'ai plus la phrase de Kant exactement en mémoire, mais on peut pas exactement savoir la pureté des intentions. Mais au fond, est-ce que ça compte tant que ça? Si Sartre est vraiment l'homme de la situation, ce qui compte, c'est l'engagement qu'on fait, et donc ce qui va suivre. Et parce que dénouer exactement les motivations profondes, c'est compliqué. Alors, d'accord pour ça, Nathalie Monin, mais justement, si c'est les actes qui comptent, là, il y a quand même un acte en jeu qui va être un acte terroriste, et il y a aussi des actes qui sont des idées qui sont très fortes et qui sont quand même brandies et utilisées pour tuer. Donc, dans ce cas-là, si c'est les actes qui comptent, peu importe les intentions, se pose quand même la question de qu'est-ce qui est un bon engagement du point de vue de l'acte. Oui. Oui. Et Est-ce que c'est de tuer ou pas? Est-ce que c'est d'avoir des idées ou pas? Quelles idées seraient bonnes à défendre et pas les autres? Quels seraient les bons moyens ou pas? Alors, à un moment donné dans la pièce, Öderer va dire qu'il n'est pas contre l'assassinat politique. Ça peut arriver dans certaines circonstances. Ça peut être justifié. Je ne sais pas si Sartre dirait la même chose, mais en tout cas, il a pu dire la même chose. Il a pu, alors non pas justifier. Hein, je ne crois pas qu'il justifie la violence, y compris dans la préface aux damnés de la terre, où on a trouvé qu'il était très virulent, là, voilà. Mais je pense que il le montre, c'est-à-dire il décrit. Bon, c'est un phénoménologue, c'est un philosophe. Il met au jour les mécanismes qui habitent les humains, qui habitent les consciences et qui font qu'on en arrive à cet engagement ou cet autre. Est-ce qu'il y a un jugement? Alors, il a beaucoup jugé ses contemporains, c'est vrai, il s'est beaucoup engagé, mais au fond, j'ai envie de dire, quand on colle à sa philosophie, quand on colle à sa morale, c'est d'abord quelqu'un qui décrit des mécanismes et qui explique comment on y arrive. Donc je suis pas, je saurais pas dire s'il est. Il a quand même un côté péremptoire. C'est-à-dire qu'au-delà de la description quand même des mécanismes, la philosophie de Sartre est animée quand même par ce qui serait la liberté, par exemple, l'entendu dans l'archive. Oui, Écrire, c'est quand même s'engager, c'est quand même vouloir changer le monde. Écrire de telle autre manière, là par contre, c'est de la propagande. Il a un côté assez péremptoire, par exemple, être un garçon de café, jouer à aimer, jouer à tuer, c'est condamnable. Et d'ailleurs, cette pièce fait quand même ressortir les bons et les mauvais. Alors, il dirait pas c'est condamnable. J'ai envie de dire, il dit, c'est banal. Vous voyez, c'est toute la différence entre la description qu'on fait de ce qui est, de la manière dont les hommes se comportent habituellement, et donc la mauvaise foi, c'est l'attitude spontanée de tout le monde. La liberté, c'est quelque chose qu'on doit gagner. C'est quelque chose vers lequel on doit aller, l'authenticité. C'est ne plus dépendre du regard des autres, mais voilà, essayer de vivre par soi, pour soi, et à ce moment-là, ça change les rapports qu'on a avec les autres. On n'est plus dans des rapports faux, mais on a une petite chance d'essayer d'avoir des rapports un peu plus sincères, un peu plus authentiques. Donc, je dirais que c'est pas une condamnation, il condamne pas la mauvaise foi, mais il met au jour des mécanismes. Après, à chacun de s'en saisir, à chacun de lire, hein. Lui, il écrit ce qu'il... à chacun de se saisir de cela et de voir ce qu'il en fait, s'il essaye de progresser pour soi, par rapport à soi, dans sa propre vie. Un autre mécanisme que décrit Sartre, et on va l'entendre dans cet extrait-là, c'est un extrait du cinquième tableau, scène 2, et ce mécanisme, c'est un rapport avec la vérité objective. Tu as vu ses yeux? Tu as vu comme ils sont... Ils sont brillants, durs, vifs. Oui. C'est peut-être dans ces yeux que je tirerai. Parce qu'on vise le vent, seulement l'arme se relève. J'aime ces yeux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'irai trouver Edraire. Et je lui dirai, voilà. On m'a envoyé pour vous tuer, mais j'ai changé d'avis. Et je veux travailler avec vous. C'est justement ça qui s'appellerait trahir. Mais pourquoi n'est-ce pas possible? Parce qu'il n'a pas tes idées? Si tu veux, oui. Parce qu'il n'a pas mes idées. Et il faut tuer les gens qui n'ont pas vos idées. Il te foire. Je croyais qu'il était sincère. Et qu'il voulait le bien du parti. Mais ce qu'il veut, ce qu'il pense, moi je m'en moque, mais... Objectivement, il agit comme un social traître. Objectivement? Ouais. If you put your dirty black hands on me, I'm gonna put you back in jail. Put some many charges against your loving baby. Take the millionaire to go your bail. I'm walking down the main street looking for Sue. When you find me, she made a rat out of you. If you put your dirty black hands on me, I'm gonna put you back in jail. If you put your dirty black hands on me, I'm gonna put you back in jail. Put so many charges, get your loving baby. Take the millionaire to go your bail. Tell me, pretty mama, where have you been? walk like whiskey and just talk like gin. Baby, if you put the dirty hands on me, I'm gonna put you back in deal. I mean, I'm gonna put you back in deal. Yeah, yeah. Who's that thing on that boy, but don't go to jail. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors je le précise, cette chanson n'est pas dans le film, l'adaptation des mains sales de Sartre, c'est une chanson de Charlotte Jordan. La traduction c'est « Si tu mets tes mains sales », sûrement on voit clairement le rapport Nathalie Monin. Donc non, parce que c'était une question que vous m'avez posée, est-ce que c'est dans le film? Non, ça n'est pas dans le film, mais c'est totalement en rapport avec cet extrait et avec ce film, et avec notamment en fait ce qu'on a entendu dans cet extrait. Donc c'était une conversation entre Hugo et Jessica, et il y a ce terme très intéressant à la fin qui apparaît, c'est ce terme objectivement. En fait, Jessica, comme on l'a dit, essaye en fait de... Elle révèle, elle fait des objections, elle met à l'épreuve la pensée d'Hugo qui semble inquestionnable, qui semble décidée, et elle met notamment en question cette vérité qui lui semble immuable à Hugo, cette idée de tuer, il faut tuer, et on ne peut pas bouger, il n'y a qu'une vérité éternelle, immuable, objective. Et ça, Jessica lui oppose une autre forme, une autre manière de penser cette vérité. Elle pose la question cruciale, mais comment tu sais que c'est vrai ? Alors dans la pièce, là on est obligé de couper, mais dans la pièce ça va, elle pose vraiment jusqu'au bout les questions. Mais comment tu peux être sûr que c'est Louis, donc le parti dur, qui a raison et pas Öderer? Et elle propose, mais discute avec lui, ce qu'il fera d'ailleurs, hein, ce qu'il ira. Et donc on voit là, j'ai envie de dire l'enracinement, enfin que moi j'appelle affectif, de Hugo pour une vérité objective. C'est-à-dire que c'est rassurant. C'est rassurant et on voit qu'il est un peu perdu. Hein. Il hésite. On peut imaginer que depuis très longtemps, il hésite. On voit qu'il a été, enfin dans la pièce écrite, on voit qu'il a été humilié souvent par son père, qu'il l'obligeait à manger. Il y a des passages là-dessus. Et donc on peut comprendre que ce qu'il cherche dans le parti, ben c'est une famille. Une famille sûre, une famille où il se sent bien, où on lui fait confiance, où on le reconnaît. Et donc, pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il prouve qu'il est des leurs. D'où l'assassinat, d'où sa volonté d'assassiner, exactement comme dans la pièce des Justes. Hein. C'est les mêmes motivations profondes de vouloir se faire adopter par cette famille. Et donc, j'ai envie de dire, c'est rassurant. C'est toujours rassurant, de penser que... C'est rassurant de penser vérités, qu'il n'y a qu'une vérité, qu'il y a quelqu'un, est profondément, et définitivement... Et puis que sur toute chose, il y a une vérité qui existe quelque part, il suffit juste de la découvrir. Il y a une position objective juste tout le temps, et puis il suffit juste d'y coller, et puis indépendamment des circonstances, ou bien dans les circonstances, et puis on a juste, c'est un peu manichéen, on a juste à dire, ben moi je suis dans le vrai, donc les autres sont dans le faux, c'est moi qui ai raison, donc les autres ont tort. Il y a un désir profond d'être rassuré, et cette réassurance par rapport à soi, par rapport au monde, par rapport aux autres, c'est de poser qu'il existe une vérité définitive, mais pour toute chose, comme si c'était en mathématiques. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question de la vérité en politique, elle est notamment frappante dans le cas du terrorisme, justement. C'est-à-dire, on va accomplir des actes de terreur au nom d'une vérité qui nous préexiste, qui va de toute façon exister après nous et qui doit forcément s'appliquer de cette manière-là. Et on se fait les pions au service de cette idéologie magistrale qui nous dépasse, etc. Et donc, voilà, et ça empêche de réfléchir. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de réflexivité sur soi-même pour se réinterroger. C'est Jessica qui, à ce moment-là, permet la réflexivité. Elle est la médiation qui permet que Hugo, qui permettrait à Hugo de bouger, en fait. Et de fait, elle réussit, en fait. Parce que Hugo est d'accord pour se dire bon bah finalement si on anticipe un petit peu sur la fin s'il n'y avait pas eu ce malheureux incident qui va avoir lieu Hugo est d'accord pour dire bon finalement c'est peut-être Öderer qui a raison et je ne peux pas le tuer, il est sur le chemin de prendre cette voie. Donc ce qui est important, ce qui me semble important, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, quand à quel point on a autant besoin de poser une vérité. Une une seule, immuable. Et moi, je ne le comprends pas autrement qu'en disant c'est juste un rapport affectif à la vérité. Et qui évite l'analyse subtile, l'analyse précise de la complexité d'une réalité, sachant que, pourquoi Sartre ne réussit pas à écrire une morale après l'être et le néant? Parce que l'homme est en situation où il a tellement développé la situation et les différents paramètres d'une situation. Une morale qui surplombe. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et Hugo, vous employez le bon terme. Hugo cherche le surplomb, cherche la vérité objective de surplomb, la position juste de surplomb. Mais c'est très dur aussi à défendre quand même cette idée, parce qu'on peut soupçonner aussi Jessica de n'avoir aucune conviction, en fait, un peu de voguer au gré des rencontres, d'être séduite par Roederer, mais il y a quand même ce doute qui plane sur à quel titre on peut s'engager en politique. Est-ce que ça va être au nom d'une vérité ou au nom d'une croyance en certaines valeurs qu'on peut croire vraies? Alors là, il y a une idée de véracité, mais c'est pas au nom de la vérité, c'est au nom de croyance en des valeurs. Alors, c'est toute la difficulté et la ligne de crête que Sartre essaye de tenir entre s'il n'y a pas de vérité universelle dans les choses humaines, mais qu'on est dans des situations, pour autant ne pas verser dans le relativisme des valeurs où tout se vaut et où finalement il n'y a plus rien. Et la morale qu'il n'arrive pas à écrire, c'est parce qu'il est entre ces deux pôles. Comme en politique, la pièce, il l'écrit en 48. Depuis 47, il essaye avec David Rousset de fonder le RDR, le Rassemblement démocratique révolutionnaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Démocratie révolutionnaire. Il essaye d'être entre la position du PCF qui est révolutionnaire et puis le SFIO, le Parti socialiste, qui est trop démocratique. Donc lui, il voudrait un peu plus de démocratie et moins de révolution, ou un peu plus de révolution et moins de démocratie, selon qu'on prend. Donc il essaye de tenir toujours, c'est un peu Sartre en général, de tenir cette ligne de crête. Et Jessica est cette fait miroiter. Alors c'est ce que lui répond Hugo à un moment donné. Il dit donc s'il n'y a pas de vérité une et figée en morale, tout est relatif et donc on peut plus savoir. Mais c'est tout le problème des valeurs morales. C'est-à-dire que les valeurs morales, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'universalité possible. Et il n'y a pas de relativisme possible, mais on doit, alors ce sera un peu plus long à développer cette morale de situation, mais on doit pouvoir la trouver. Et ce que je pose, moi, alors là c'est pas du Sartre pour le coup, c'est qu'on ne connaît pas ou on ne découvre pas les valeurs, mais on les reconnaît. On reconnaît des valeurs parce que il y a déjà une structure affective qui est en place. J'ai envie de dire chez Hugo, il y a un tel désir d'être sûr de lui, de ne pas hésiter, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'il est, hein, et d'avoir raison, de savoir la vérité, qu'il s'y tient, mais vraiment parce que c'est tellement plus confortable. Mais il y a un refus du scepticisme. Il y a un refus aussi du questionnement. C'est pour ça qu'il rembarre tout le temps Jessica. Elle est énervante, Jessica, parce qu'elle le titille sur ce qu'il ne veut pas. Il veut pas réfléchir. Il veut pas remettre en question. Elle l'oblige à se remettre en question et c'est inconfortable. Un seul but, le pouvoir. Il n'y a qu'un seul but, c'est celui de faire triompher nos idées. Ah, oui, ça serait que tu as des idées. Ça te passera. C'est pas pour les idées que sont dans les copains qui se sont fait tuer par la police du régent. Mais je me fous des morts. Je fais une politique de vivant pour les vivants. Et vous croyez que les vivants vont accepter vos combines? On leur fera avaler tout doucement. On leur m'entend? Quelquefois. Comment? Vous? Mais nous sommes en guerre, Hugo. Ce n'est pas l'habitude de mettre le soldat au courant des opérations. À quoi ça sert de lutter pour la libération des hommes si on les méprise assez pour leur bourrer le crâne? Je mentirai quand il faudra, mais je ne méprise personne. Le mensonge, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il est né dans une société divisée en classes. Quelqu'un de nous l'a hérité en naissant. En refusant de mentir, on abolira le mensonge. En usant de tous les moyens pour supprimer les classes. Tous les moyens ne sont pas bons. Tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. Comme tu tiens à ta pureté, Monty. Comme tu as peur de salir les mains. Eh ben, reste pur. Ben, à quoi ça servira? La pureté, c'est une idée de fakir. Ou de moine. Moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la merde et dans le sang. T'imagines qu'on peut gouverner autrement? On vient d'entendre un extrait donc des Mains sales, la pièce de Sartre adaptée au cinéma. C'est le cinquième tableau, scène 3. C'est une scène cruciale où on a d'un côté donc Odoreur, hein, celui qui est accusé de trahison par son parti et qui doit être tué par Hugo. Donc d'un côté Odoreur, le pragmatique, et de l'autre Hugo, l'idéaliste, ce bourgeois qui a quitté sa condition pour s'engager. Et on a effectivement deux positions. Alors on pourrait peut-être revenir aussi sur cette forme de manichéisme entre idéalisme et pragmatisme. En attendant, il y a quand même ces termes clés qu'on entend, hein, pureté, qui résonne avec nos débats actuels sur le militantisme, pureté militante. Il y a aussi cette idée d'avoir les mains sales qui donne quand même le titre à cette pièce. Alors moi, j'étais persuadée en commençant cette pièce, Nathalie Monin, que celui qui avait les mains sales, c'est celui qui allait tuer, celui qui allait avoir du sang sur les mains. Et finalement, celui qui a les mains sales ici, c'est Odoreur, c'est celui qui met en fait les mains dans la merde du quotidien. Oui. Alors j'ai envie de dire, il a les mains moins sales que Hugo finalement, ou que le puriste et l'idéaliste. Enfin, il y a quand même une forme de noblesse du sang sur les mains qui est complètement contre-intuitive quand on commence la pièce. Voilà, exactement. Parce que ce que Hugo tient finalement, c'est qu'il vaut mieux dire toujours la vérité, donc il faut être fidèle à l'idée, quitte à ce qu'on tue des hommes. Alors que Odoreur dit, mais quelques mensonges, c'est pas très grave, du moment qu'on sauve le plus grand nombre de vies. Donc vous voyez, il y a vérité, pureté, mais en même temps au risque, et donc dire toujours la vérité, mais au risque de tuer, Et de l'autre côté, il y a, bon, le mensonge de temps en temps, c'est pas si grave que ça, s'il le faut, un petit assassinat politique aussi, mais le moins possible, et il y a l'amour de la vie. Il y a cette phrase très forte, je fais une politique du vivant pour les vivants. Exactement. Et donc c'est là le pragmatisme, et c'est là le calcul. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, quelques morts et le plus possible, on sauve le plus maximum de gens, ou bien s'il tue Odoreur maintenant, est-ce qu'il va se faire, est-ce que ça va pas générer encore plus de morts après parce que il n'y aura pas l'accord entre les trois parties, et puis du coup, le fascisme va gagner, etc. Enfin bon. Donc, c'est une question de calcul. Dont c'est finalement une question plus utilitariste qu'existentialiste. C'est-à-dire, c'est un calcul des peines et des plaisirs. Ouais, mais dans l'existence, qu'est-ce qu'on fait d'autre que des calculs? Mais c'est une dimension qu'on a peu l'habitude de lire sous la plume de Sartre et dans l'existentialisme. On a plutôt l'impression, quand on lit, qu'on fait un choix de manière absolue, plutôt que de manière, alors peut-être absolue et en situation, mais plutôt que de manière relative avec un calcul très précis des peines et des plaisirs. Alors, ce qu'il écrira plus tard dans sa morale, c'est que au moment d'agir, on agit. Si on s'interroge après sur les motivations, hein, sur les intentions, on se rend compte qu'on a on subit nous-mêmes des conflits de valeurs, des conflits de système. Mmh. Des conflits de système. Voilà. On peut pas, évidemment, on peut analyser après. Mais c'est le propre de l'existence, et c'est chaque existant, chaque vivant, porte avec lui toutes ces tensions. Et cette pièce montre exactement toutes ces tensions. Alors, dans l'existentialisme, oui, il y a du pragmatisme. Et même si Sartre, c'était une période très tranché à partir de 47 avec le plan Marshall, il y a la guerre froide, c'est un bloc contre un autre, et Sartre a cette conscience très vive, comme pendant la résistance, hein, où c'était pour ou contre, pendant l'occupation de Paris. Donc c'était pour ou contre. Donc il a cette conscience que tenir une ligne de crête, c'est très très compliqué entre les deux. Sartre est toujours du c'est côté... C'est même un petit peu... il y a quand même cette idée qui prévaut en philosophie qu'on ne peut pas s'en tenir à la thèse et à l'antithèse. Et c'est vrai que parfois, cette pièce, on a quand même l'impression qu'entre Hugo et Odoreur, en fait, il y a peu d'évolution des personnages. Enfin, qu'en tout cas, ils représentent des figures très figées et un petit peu caricaturales, manichéennes d'un rapport à la politique. Et puis, on a l'impression que l'évolution n'est pas très possible, finalement, n'est pas tenable. Alors, Hugo évolue parce qu'il renonce finalement. Il arrive à renoncer à l'assassinat. Alors, s'il va le commettre, c'est pour des raisons absurdes. Là, on retrouve. Vous pouvez peut-être nous dévoiler la fin, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, on peut dévoiler ce qui va se passer. Alors, ils ont discuté toute la nuit avec Odoreur. Hugo ont discuté toute la nuit. Donc, Hugo se rallie. Et puis Jessica finalement est assez contente de ce dénouement. Elle se retrouve dans la pièce avec Odoreur. Ils sont d'accord pour. Et puis finalement, Hugo rentre au mauvais moment. C'est très très bien fait, hein, d'un point de vue dramatique, c'est vraiment très très bien écrit, et voit Jessica dans les bras de Odoreur, et pense qu'il a, il a été trahi par sa femme, du coup, pas du tout, il n'y a aucune histoire politique là-dedans, et il va tuer Öderer, qui dit en mourant d'ailleurs « Ah, c'est trop con !» C'est-à-dire que là, on a l'impression, quand vous racontez la, le dénouement, maintenant, que c'est presque les feux de l'amour. C'est-à-dire que tout à coup, on s'engage pour des politiques et puis finalement, on comprend mal ce qui se passe. On voit l'intention du coup du philosophe existentialiste et du philosophe qui écrira la critique de la raison dialectique. C'est que souvent, dans la grande histoire qu'on voudrait pure, avec des grandes idées, finalement, les dénouements, j'ai envie de dire, c'est un peu... C'est un peu raté. C'est un peu comme ce qu'il lisait quand il adorait les livres de Pardaillan, enfin les histoires de Pardaillan, où on voit que la grande histoire, finalement, c'est avec des petites passions un peu mesquines, un peu... Voilà. Mais ce qui revient en fait à la question que vous posiez au début, Nathalie Monin, sur en fait qu'est-ce qui se passe avant un acte qu'on va croire grandiose, incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe en fait du côté des petites choses. Là, on est aussi de ces côtés du dénouement après un petit peu raté en fait, raisons. C'est de cela qu'est fait l'histoire, et c'est le propre de la critique de la raison dialectique et tout le qui fait l'histoire. On voudrait dire c'est les grands hommes, bon finalement non, c'est les passions des grands hommes, mais en s'engageant, chacun participe à l'histoire, sauf que les autres aussi s'engagent et font l'histoire. On fait tous l'histoire en même temps. Ça fait beaucoup de paramètres totalement imprévisibles et incontrôlables. C'est l'absurdité de l'existence aussi. Et quand la phrase d'Öderer, ah, c'est trop con, bah oui, c'est trop con de mourir pour quelque chose qui n'a rien d'idéologique. Mais c'est vraiment une pièce anti-héroïsme. C'est-à-dire que là, le terrorisme, que ce soit, on est quand même dans, il faut le dire, c'est quand même une pièce métaphorique sur le terrorisme, même s'il envisageait un assassinat politique, c'est pas du tout le terrorisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si ça pose des questions qui sont en lien, mais il y a quand même cette idée que tout ce qui est présenté a priori comme une très belle idée, comme un très bel acte, en fait se réduit à presque rien. C'est cette réplique, effectivement, c'est trop con. Et puis il y a aussi cette idée qu'en fait la grande histoire se joue avec les hommes, mais toujours sans eux. C'est-à-dire que finalement l'histoire les dépasse. Eux, en fait, on tue quelqu'un parce qu'en fait on a mal compris quand il serrait sa femme dans ses bras. C'est ce qu'il essaiera de comprendre dans la critique de la raison dialectique. Et quand il dit la raison dialectique, la raison doit se faire dialectique parce que la réalité est dialectique. C'est-à-dire la réalité, elle est faite d'un tissu de complexité avec des gens qui sont des bourgeois mais qui adhèrent à des idées communistes, des communistes qui... Enfin, la réalité, elle est complexe. Et donc avec tout cela, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle une histoire. Bien, mettre au jour les rouages, les mécanismes de l'histoire, c'est comprendre... comment se tissent ces multiples fils que sont chaque existence, qui portent chacune ses propres tensions, ses propres contradictions. Et même un petit peu leurs propres absurdités. Parce que c'est trop con, c'est vraiment absurde. C'est vraiment terrible comme pièce et c'est vraiment terrible comme fin. Et pour aller encore plus loin, c'est-à-dire que Hugo, lui, sera lui-même, enfin voudra être, enfin le parti voudra récupérer le geste d'Hugo, qui lui se condamnera en disant non, vous me récupérerez pas. On n'a pas parlé de cette chose-là. Et puis on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Monsieur Jean-Paul Sartre sort du cabinet du président du premier tribunal. Monsieur Jean-Paul Sartre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me demander juste un petit mot, s'il vous plaît, pour vous demander pourquoi vous hantez en ce moment les couloirs du palais de justice? C'est parce qu'un différent me sépare de mon agent dramatique, Monsieur Nagel. Monsieur Nagel me paraît n'avoir pas suffisamment protégé mes droits moraux, et spécialement aux États-Unis, où on est en train de jouer une pièce, Les mains sales, qui semble avoir été remaniée et adaptée malgré mes défenses formelles et sans que Monsieur Nagel ait pu l'empêcher. Et quelle a été la réponse qu'on vous a fournie, Monsieur Jean-Paul Sartre, au moment où vous avez fait une réclamation, la première? On m'a répondu que j'allais gagner beaucoup d'argent. Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule, à qui ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu, les pouces mégots et les nez de bœufs, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée, vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues, des bordels, c'est que j'ai mis mon flingue.